que nous sommes tous des étoiles filantes. Je vous guiderai dans la nuit. Nous avons tous une chanson qui nous hante. Et quand il vient du cœur, c'est que du bonheur. Si vous ne baissez pas les bras, je ne vous abandonnerai pas. Dans la nuit, je serai là. Oh oui, je serai là. Nos pensées, quand nos voix vont résonner, puisse le monde nous écouter. C'est l'heure de nous montrer, oh ouais, c'est l'heure de se révéler. C'est si bon de s'enflammer quand on sent la terre sous nos pieds. Le monde va nous acclamer, alors écoute-le s'exprimer. Révélons notre personnalité, ne craignons rien de nos défauts. Ne craignons pas de ne pas être parfait, nous l'avons bien mérité. Vous verrez, on va s'amuser, dansant sous le ciel étoilé. Si vous ne baissez pas les bras, je ne vous abandonnerai pas. Dans la nuit, je serai là. Ma lumière vous guidera. Oh, nous sommes des étoiles, des étoiles. Réveille-toi, réveille-toi. Oui, sois toi-même. Nous sommes tous des étoiles. Réveille-toi, réveille-toi. Ce sera génial. Sois toi-même. Sois toi-même.